Chapitre 25. Jésus, Marie et Joseph établissent leur demeure, suivant la volonté divine, dans la ville d'Héliopolis. Ils y règlent leur manière de vivre pour tout le temps de leur séjour. Le souvenir qui se perpétua en plusieurs endroits de l'Égypte, des merveilles que le Verbe incarné y fit, peut avoir donné lieu à divers auteurs d'écrire, les uns, que nos saints voyageurs séjournèrent dans telle ville, les autres, dans telle autre. Mais tous leurs témoignages peuvent être considérés comme exacts et se concilier si on les rapporte à des époques différentes, auxquelles la Sainte Famille demeura à Hermopolis, à Memphis ou Babylone d'Égypte, et à Matari, puisqu'elle s'arrêta non seulement dans ces villes, mais aussi dans plusieurs autres. Ce qui m'a été révélé, c'est qu'après y avoir passé, elle arriva à Héliopolis et qu'elle y fixa son séjour, parce que les saints anges qui les conduisaient dirent à notre divine reine et à Saint Joseph qu'ils devaient s'arrêter en cette ville, où le Seigneur voulait, outre la ruine des idoles et de leur temple, que leur présence y causait comme dans les autres endroits, opérer d'autres merveilles pour sa gloire et pour le salut de plusieurs âmes, afin que les habitants de cette ville, qui était appelée, selon l'heureux pronostic de son nom, ville du soleil, vice le soleil de justice et de la grâce, Malachie, 4, 2, et qu'ils en fussent beaucoup mieux éclairés qu'ils ne l'étaient du soleil matériel. Ayant donc reçu cet avis, ils s'y arrêtèrent, et aussitôt qu'ils y furent arrivés, Saint Joseph alla chercher un logement, offrant d'en payer le juste prix, et le Seigneur lui fit trouver une maison pauvre, mais suffisante pour leur habitation, et un peu éloignée de la ville, comme la reine du ciel le souhaitait. Après donc qu'ils eurent loué cette maison dans Héliopolis, ils s'y installèrent, et notre divine dame s'y étant renfermée avec son très saint fils et son époux Joseph, se prosterna et baisa la terre avec une profonde humilité et avec une tendre reconnaissance, rendant des actions de grâce au Très-Haut de ce qu'elle avait trouvé ce lieu de repos après un si long et si pénible voyage. Elle remercia aussi cette même terre et les éléments de leurs bienfaits, car dans son humilité incomparable elle se croyait toujours indigne de tout ce qu'elle recevait. Elle adora au même endroit l'être immuable de Dieu, lui consacrant tout ce qu'elle y devait faire. Elle lui fit intérieurement le sacrifice de ses puissances et de ses sens, et s'offrit d'endurer avec empressement et avec joie toutes les afflictions que sa majesté voudrait lui envoyer dans cet exil, car sa prudence les prévoyait, et son affection les embrassait. Elle les appréciait d'après la science divine, parce que cette même science lui avait montré comment elles sont accueillies au tribunal divin, et qu'elle savait que son très saint fils allait les regarder comme son héritage et comme un riche trésor. Après ce sublime exercice, elle s'humilia à nettoyer et à ranger la pauvre demeure avec l'aide des saints anges, ayant emprunté jusqu'au balai dont elle se servait. Quoique nos divins étrangers se crussent assez bien logés entre les tristes murailles de cette maison, il leur manquait pourtant et la nourriture et les meubles nécessaires pour l'usage de tous les jours. Et comme ils étaient alors dans un endroit habité, le secours miraculeux qu'ils recevaient par le ministère des anges dans le désert, leur manqua également, de sorte que le Seigneur les remit à la table ordinaire des plus pauvres, c'est-à-dire qu'il les réduisit à mendier. Lorsque dans leur dénuement ils commencèrent à souffrir de la faim, Saint Joseph alla demander l'aumône pour l'amour de Dieu, apprenant par cet exemple aux pauvres à ne point se plaindre dans leurs besoins, et à ne pas avoir honte d'y remédier par ce moyen, quand ils n'en trouveront point d'autre légitime, puisqu'il fallut mendier de si bonne heure pour entretenir la vie du Seigneur de tout ce qui est créé. qui voulait avoir occasion par là de payer ses bienfaiteurs au centuple, Matthieu 19, 29. Les trois premiers jours de leur arrivée à Héliopolis, la reine du ciel n'y eut point d'autres aliments pour elle et pour son adorable fils, comme dans divers autres endroits de l'Égypte, que ceux que Saint Joseph reçut par aumône, jusqu'à ce qu'il commençât à gagner quelque chose par son travail. Lorsqu'il eut pu réaliser quelques bénéfices, il fit une couchette dont les planches formaient toute la garniture et un berceau pour l'enfant. Quant au sein, il n'avait point d'autre lit que la terre, ni d'autres meubles que ceux-là dans la maison, jusqu'à ce qu'il eût acquis par sa sueur le moyen d'acheter ce dont il ne pouvait se passer. Je ne dois pas cacher ce qui m'a été découvert ici, c'est que dans une si extrême pauvreté, Marie et Joseph ne songèrent aucunement à leur maison de Nazareth, ni à leurs parents, ni à leurs amis, ni aux présents des mages qu'ils avaient distribués, et qu'ils auraient pu garder. Ils ne regrettèrent aucune de ces choses, et se trouvèrent dans une si grande nécessité sans former la moindre plainte, sans se souvenir du passé, et sans craindre l'avenir. Au contraire, ils conservèrent toujours une égalité et une joie incomparables, s'abandonnant à la providence divine dans leurs plus pressants besoins. Ô bassesse de nos cœurs infidèles, de combien de troubles, de soucis et de peines ne sont-ils pas remplis au moindre embarras qui nous survient? Nous nous plaignons incontinent d'avoir perdu une occasion, de n'avoir pas profité d'une autre, nous nous reprochons avec impatience que si nous eussions tenu une autre conduite, nos affaires iraient mieux. Toutes ces peines sont inutiles et insensées, parce qu'elles ne servent de rien. Sans doute il eût été bon de ne pas donner lieu à nos afflictions par nos péchés, qui nous les attirent bien souvent. Mais d'ordinaire nous ressentons le dommage temporel, et non point le péché qui nous l'a mérité. Nous sommes trop attachés à la terre pour découvrir les choses spirituelles, qui peuvent causer notre justification et les accroissements de la grâce, assez matériel et téméraire pour nous livrer aux choses sensibles et à leurs soins superflus, qui contribuent à notre perte. 1 Corinthiens 2, 14. L'exemple de nos saints étrangers doit nous servir d'une sévère leçon, et confondre notre lâcheté. Notre très prudente dame et son époux, dépourvus de toutes les choses temporelles, se contentèrent pleinement de cette pauvre petite maison solitaire, et des trois chambres qu'il y avait, l'une fut consacrée en un sanctuaire destiné à l'enfant Jésus et à sa très pure mère. On y mit le berceau et le petit lit tout nu jusqu'à ce qu'ils eurent, quelques jours après, de quoi se pouvoir tous couvrir. Par le travail du saint et par la charité de plusieurs femmes dévotes qui s'affectionnèrent à notre reine, l'autre chambre fut pour Saint Joseph, où il se retirait pour prier et pour reposer, et la troisième lui servait de boutique pour travailler de son métier. Notre auguste princesse, voyant leur extrême pauvreté, et qu'il fallait que son époux augmentât son travail ordinaire pour pouvoir subsister dans un pays étranger, se résolut à travailler aussi pour le soulager autant qu'il lui serait possible. Et c'est ce qu'elle exécuta incontinent, cherchant des ouvrages par l'intermédiaire de ces charitables femmes, qui commencèrent à la fréquenter, attirées par sa modestie et par sa douceur. Et, comme il ne sortait rien de ses mains qui ne fût de la dernière perfection, le bruit de son habileté et de la délicatesse de ses ouvrages se répandit bientôt, de sorte qu'il ne lui manqua jamais de quoi travailler pour nourrir son fils homme et Dieu véritable. Notre grande reine crut qu'il fallait employer tout le jour au travail, sauf à passer la nuit dans ses exercices spirituels, pour gagner tout ce qui était nécessaire à leur nourriture, pour vêtir Saint Joseph, meubler leur maison, quoique très simplement, et en payait le loyer. Ce n'est pas qu'elle eût aucune attache aux biens de la terre en se déterminant à cela, ni qu'elle négligeât la contemplation en aucun moment de la journée, car elle y vaquait toujours, et se tenait continuellement en la présence de l'enfant Dieu, comme je l'ai dit si souvent et comme je le dirai dans la suite. Mais elle voulut différer jusqu'à la nuit quelques dévotions particulières qu'elle pratiquait pendant le jour, pour pouvoir travailler davantage, et pour ne pas demander ni attendre que Dieu lui accordât d'une manière miraculeuse ce qu'elle pouvait se procurer par ses soins en redoublant son travail, car, en semblable cas, nous désirerions le miracle plutôt pour la commodité que pour la nécessité. La très prudente reine priait le Père éternel de la pourvoir par sa miséricorde du nécessaire, afin de nourrir son fils unique, mais en même temps elle travaillait, et, comme ne se fiant pas à elle-même ni à sa propre industrie, elle demandait en travaillant ce que le Seigneur accorde aux autres créatures par ce moyen. L'enfant Dieu agréa beaucoup cette prudence de sa mère, aussi bien que la conformité qu'elle avait avec son étroite pauvreté, et, pour répondre à cette fidélité toute maternelle, il voulut lui adoucir en quelque façon le travail qu'elle avait commencé. C'est pour ce sujet qu'il lui dit un jour du berceau où il était, « Ma mère, je veux régler l'ordre de votre vie et de vos occupations manuelles. » La divine mère se mit aussitôt à genoux, et lui répondit, « Mon très doux amour et Seigneur de mon être, je vous loue et vous glorifie de ce que vous avez accepté le désir que j'avais que votre divine volonté dirigeât mes pas. » Psaume 118, 133. Conduisit mes œuvres, et fixa selon votre bon plaisir ce dont je dois m'occuper à chaque heure du jour. Et puisque votre suprême majesté a eu la bonté d'exaucer mes souhaits, parlez, lumière de mes yeux, parce que votre servante vous écoute. 1. Rois 3, 10. Le Seigneur lui dit, « Ma très chère mère, dès l'entrée de la nuit, c'est-à-dire, selon notre manière de compter, vers 9h du soir, vous dormirez et reposerez quelque peu. De minuit jusqu'au point du jour, vous vous livrerez avec moi aux exercices de la contemplation, et nous louerons ensemble mon Père éternel. Ensuite vous préparerez ce qui sera nécessaire pour votre nourriture et pour celle de Joseph. Quand cela sera fait, vous me donnerez la mienne, et me tiendrez entre vos bras jusqu'à l'heure de tierce, que vous me remettrez entre ceux de votre époux pour le soulagement de son travail. Ensuite vous vous retirerez dans votre appartement jusqu'à ce qu'il soit temps de lui servir à manger, après quoi vous reprendrez votre travail. Et parce que vous n'avez pas ici les Écritures saintes, dont la lecture vous était d'une consolation singulière, vous lirez en ma science la doctrine de la vie éternelle, afin que vous me suiviez en toutes choses avec une parfaite imitation. Et vous prierez toujours mon Père éternel pour les pécheurs. » L'auguste Marie suivit cet ordre tout le temps qu'elle demeura en Égypte. Elle allaitait l'enfant Dieu trois fois chaque jour, parce que, quand il lui marqua la première fois qu'elle lui devait donner la mamelle, il ne lui défendit pas de la lui donner aussi souvent qu'elle le fit dès la naissance. Lorsque la divine mère faisait quelque ouvrage, elle se tenait toujours à genoux en la présence de l'enfant Jésus, qui était dans son berceau, et aux entretiens qu'ils avaient alors il mêlait d'ordinaire de mystérieux cantiques de louanges. Et, s'ils étaient écrits, ils surpasseraient tous les psaumes, toutes les hymnes que l'Église chante et tous les livres qu'elle possède. Car on ne doit pas douter que Dieu n'ait parlé d'une manière plus sublime et plus admirable par l'organe de son humanité et de sa très sainte mère, que par David, Moïse, Marie, Anne et tous les autres prophètes. La divine mère était toujours renouvelée dans ses cantiques, et animé de nouvelles affections pour la divinité et de désirs efficaces de s'unir à son être immuable, car elle était le phénix qui renaissait dans cet heureux embrasement, et l'aigle qui pouvait regarder fixement le soleil de la lumière ineffable, et de si près, que jamais aucune créature n'a pu élever aussi haut son volume. Elle tendait à la fin pour laquelle le Verbe divin avait pris chair dans son sein virginal, et qui était de conduire les créatures raisonnables à son Père éternel. Comme elle était la seule entre toutes qui n'était point empêchée par l'obstacle du péché, ni par ses effets, ni par les passions, ni par les appétits, mais qui était au contraire libre de toutes les choses terrestres et de tous les empêchements de la nature, elle volait après son bien-aimé et s'élevait à une haute demeure, sans s'arrêter qu'elle n'eût atteint son centre, qui était la divinité. Et comme elle avait toujours sous les yeux le Verbe incarné, qui est la voie et la lumière, Jean, 14, 6, etc., 8, 12, et qu'elle dirigeait tous ses désirs, toutes ses affections vers l'être immuable du Très-Haut, il l'entraînait sans cesse vers lui, et elle arrivait à son but plutôt qu'elle ne courait dans la voie. Elle disparaissait d'elle-même pour se perdre dans l'objet de son amour. L'enfant Dieu dormait quelquefois en présence de son heureuse mère, afin de réaliser ce qu'il avait dit, « Je dors, et mon cœur veille », Cantique 5, 2. Et comme le très saint corps de son fils était à son égard un très pur cristal à travers lequel elle pénétrait le secret de son âme déviée et ses opérations, Sagesse, 7, 26, elle se regardait souvent dans ce miroir sans tache, et c'était une consolation singulière à notre divine dame de voir la partie supérieure de l'âme très sainte de son fils si assidue aux actes les plus héroïques, tout à la fois comme voyageur et comme compréhenseur. Tandis qu'en même temps il dormait plongé dans une si grande quiétude et brillant d'une beauté si rare, parce que tout ce qui était humain en cet adorable Seigneur était uni hypostatiquement à la divinité. Nous ne saurions parler des douces et ardentes affections que la Reine du Ciel éprouvait, ni des actes sublimes qu'elle faisait dans ces occasions, sans en ternir en quelque sorte le lustre de notre bouche. Ainsi il faut que la foi et le cœur suppléent aux paroles. Quand la divine mère voyait qu'il était temps de soulager Saint Joseph en lui remettant l'enfant Jésus, elle lui disait, « Mon fils et mon Seigneur, regardez votre fidèle serviteur avec un amour de fils et de père, et prenez vos délices en la pureté de son âme si candide et si agréable à vos yeux. » Et s'adressant au saint, elle lui disait, « Mon époux, prenez dans vos bras le Seigneur, qui renferme dans sa main les cieux et la terre, Isaïe, 40, 12, auquel il a donné à l'être par sa seule bonté infinie, et adoucissez les fatigues de votre travail par celui qui est la gloire de tout ce qui est créé. » Le saint recevait cette faveur avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance, non sans demander à sa divine épouse s'il pourrait se permettre de faire quelques caresses à l'enfant. Et, rassuré par la prudente dame, il en faisait, et la consolation que lui procurait cet adorable Seigneur était si grande, qu'il oubliait ses peines, et elle lui paraissait toute très légère et même douce. Chaque fois que nos deux saints époux prenaient leur repas, l'auguste Marie tenait l'enfant, elle le reprenait des mains de Saint Joseph après avoir servi la table, et elle mangeait avec une très grande propreté. Mais la nourriture que son âme très sainte recevait était bien plus douce et plus abondante que celle de son corps, car, dans le temps qu'elle avait son fils bien-aimé entre ses bras comme enfant, et qu'elle le caressait avec la tendresse d'une mère amoureuse, elle le respectait, l'adorait et l'aimait comme son Dieu éternel. Il n'est pas possible d'exprimer les soins qu'elle prenait de s'acquitter envers son Créateur de cette double obligation de créature et de mère. D'un côté, elle le reconnaissait pour le Fils du Père éternel, pour le Roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, et pour le Créateur et le Conservateur de tout l'univers, Apocalypse 19, 16. Et par un autre endroit elle le considérait comme homme véritable encore dans son enfance, et qu'elle devait servir et nourrir. Par ces deux différents motifs d'amour, elle se sentait tout embrasée, et ne cessait d'admirer, de louer et d'aimer celui qui en était le principe. Quant à toutes les autres choses que nos divins époux faisaient, je puis seulement dire qu'ils excitaient l'admiration des anges, et que par la plénitude de leur sainteté ils comblaient le bon plaisir du Seigneur. Instruction que la Reine du Ciel me donna. Ma fille, si l'on considère qu'étant en Égypte avec mon très saint fils et mon époux, nous étions dans un pays d'une religion étrangère, où nous n'avions ni amis ni parents, et où je me trouvais dépourvu de tout secours humain pour nourrir un fils que j'aimais si tendrement, on pourra se faire une idée des peines, des tribulations et des incommodités que nous y essuyâmes, car le Seigneur permettait que nous en fussions affligés, mais on ne saurait concevoir la patience avec laquelle nous les supportâmes, les anges même ne sont pas capables d'apprécier à sa valeur la récompense que j'obtins du Très-Haut pour l'amour et la résignation avec laquelle je les souffris. Y conservant plus de calme que si j'eusse été au sein de la prospérité, il est vrai que j'étais désolé de voir mon époux dans une si grande nécessité, mais je bénissais le Seigneur de cette désolation même, parce que je m'y soumettais avec joie. Je veux, ma fille, que vous m'imitiez en cette généreuse patience et en cette paisible sérénité, dans toutes les circonstances où vous placera le Seigneur, et que vous y sachiez partager avec prudence ce qui regarde l'intérieur et l'extérieur, donnant à l'un et à l'autre ce qu'il est juste que vous donniez dans l'action et dans la contemplation, sans que la première empêche la seconde, et réciproquement, quand le nécessaire manquera à vos inférieurs, tâchez de le leur procurer par les moyens convenables, et si vous renoncez à votre propre repos pour vous acquitter de cette obligation, vous n'en perdrez pas la paix. Surtout si vous suivez la vie que je vous ai donnée plusieurs fois, c'est-à-dire si vous faites en sorte de ne perdre jamais le Seigneur de vue, quelque occupation que vous ayez, avec le secours de sa lumière et de sa grâce vous viendrez, sans vous troubler, à bout de tout si vous êtes vigilante. Car lorsqu'on peut légitimement subvenir aux nécessités par des moyens humains, on ne doit pas attendre de miracles ni rester les bras croisés dans l'espérance que Dieu pourvoira à tout par des voies surnaturelles. Attendu que Sa Majesté ne concourt qu'aux moyens doux, communs et convenables, et le travail corporel en est un où le corps sert avec l'âme le Seigneur, offre son sacrifice, et acquiert son mérite en la manière qui lui est possible, de sorte que la créature raisonnable peut, en vaquant au travail, louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, Jean 4, 23, et, pour le faire, subordonnez toutes vos actions à son non-plaisir, proposez-les à sa majesté, et pesez-les au poids du sanctuaire en donnant toute votre attention à la divine lumière que le Tout-Puissant vous communique.